petit espace, une toute, toute petite trace, un petit mal qui reste, tout ce que tu détestes. Je prends ma petite place, un trait de larmes j'efface, les souvenirs terrestres qui traînent dans ma veste. Bambina, tu me manques, les photos qui me hantent sont des parfums de rue. D'apparence, tu vois, je ne te ressemble pas. J'ai plutôt l'air de celle qui grandit en toi. Bambina, tu me manques, les photos qui me hantent sont des parfums. Tu verras, on a le même poids. Bambina, dans ce corps j'ai ton cœur. Petit espace.